Les chasseurs de nazis. Chapitre 4, des agents en Argentine. Premier épisode. Ces agents, ce sont bien sûr ceux du Mossad. Renseignés par le procureur allemand Fritz Bauer, les services secrets israéliens sont à Buenos Aires début mars 1960. À la tête du commando, Isser Harel racontera 15 ans plus tard l'enlèvement d'Adolf Eichmann en ces termes. Clement arrivait à la voiture. Momentito, dit Ellie, bondissant devant lui. Pris de panique, Clement recula d'un pas. Pendant leurs exercices d'entraînement, Ellie avait utilisé la méthode dite de la sentinelle, qui consistait à prendre l'ennemi à revers en le tirant vers l'arrière. Mais l'avertissement de Kenneth au sujet du revolver le força à changer de tactique. Il se jeta sur Clement pour le mettre à terre, mais comme Clement avait reculé, le bond d'Ellie les entraîna tous deux à terre. En tombant, Clement jeta un cri terrible, tel une bête prise au piège. Zev contourna rapidement la voiture et vint lui maintenir les jambes. Clement fut paralysé. Gabi, dans le feu de l'action, modifia aussi sa tactique. Il se précipita hors de la voiture, saisit Clement au poignet et le tira vers la voiture pendant qu'Ellie et Zev poussaient. En quelques secondes, les quatre hommes, Gabi, Ellie, Zev et Clement, se retrouvaient entassés les uns sur les autres à l'arrière de la voiture. Zev enjamba le dossier pour s'asseoir à l'avant. Kenneth rabattit le capot, sauta dans la voiture et la fit démarrer. Toute l'action avait duré moins d'une minute. Isser Harel, interviewé par la télévision française en 1960. Le docteur Fritz Bauer a agi non seulement de sa propre autorité, mais il l'a fait de commun accord avec son chef de gouvernement, avec le premier ministre de l'État de Hesse, Georg Augustus Zinn, et ensemble avec lui, ils étaient d'avis que seul il n'était pas en mesure de faire cette opération et que donc uniquement Israël pouvait le faire, et c'est pourquoi ils avaient décidé ensemble de transmettre ça à Israël. Tom Segev, biographe de Simon Wiesenthal, est l'un des historiens les plus renommés dans son pays. Au moment où nous le rencontrons, en cette année commémorative des 70 ans de la création d'Israël, il est d'ailleurs affairé à écrire un livre sur son fondateur, David Ben-Gourion. C'est ce dernier, alors Premier ministre, qui donna l'ordre d'enlever Eichmann. Un enlèvement qui n'a jamais impressionné Tom Segev. Israël n'a pratiquement rien fait pour capturer les criminels nazis. Ils ont très peu investi dans la chasse aux criminels nazis. C'était une société tournée vers l'avenir, avec beaucoup de problèmes plus pressants pour les services secrets israéliens. Faire venir des millions d'émigrants, parfois illégalement, par des voies dangereuses, repérer les espions, obtenir des armes, etc. Tout ça était plus urgent et plus intéressant. Donc Israël ne se souciait guère des anciens nazis. Eichmann fut une exception. L'interrogatoire d'Eichmann relaté par Isser Harel. Quel est votre tour de tête? 55 cm. Votre taille de vêtement? 44. Votre pointure? 41. Et quel était votre numéro de carte de membre du Parti National Socialiste? 889.895, répondit-il sans hésiter. Cette réponse, ajoutée à ses mesures, était déjà suffisante pour établir de façon quasi certaine que Clement était Eichmann. Personne d'autre n'aurait pu donner aussi automatiquement le numéro d'immatriculation d'Eichmann au parti nazi. Ce jour heureux dans votre vie amoureuse, Serge Klarsfeld, le Mossad enlève Eichmann à Buenos Aires, renseigné par, non pas Simon Wiesenthal, mais Fritz Bauer. Harel est devenu un ami, donc on savait, il était en colère d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait pas revendiquer et que, c'est tombé, disons, dans, dans la corbeille de Wiesenthal. Voilà. Pourtant, c'est Fritz Bauer qui a renseigné le Mossad. Fritz Bauer, mais c'est également un certain nombre de Juifs qui vivaient à Buenos Aires et qui, certainement, qui avaient écrit à... Mais il fallait l'autorisation de Ben-Gourion pour mener une opération illégale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait des accords qui avaient été signés par Ben-Gourion ou par la Clems concernant les réparations. Et puis, il y avait la pression américaine aussi. C'était difficile de mener des actions illégales par des organismes officiels. Et donc, ils n'ont jamais été menés. Il y a eu des opérations qui ont été menées contre les scientifiques allemands qui ont aidé les États arabes dans les années 60, peut-être à la fin des années 50 aussi. Mais en ce qui concerne les criminels nazis, il n'y a pas eu en Allemagne ni en Autriche d'action, ni ailleurs d'ailleurs, parce que les répercussions de l'affaire Eichmann ont été plus embarrassantes pour Israël, étant donné que Israël avait rompu une tradition sud-américaine qui est que les réfugiés politiques ne sont pas en principe arrêtés ou persécutés dans le pays où ils se sont réfugiés. Cela concerne les réfugiés sud-américains, mais on a considéré que la souveraineté d'un État sud-américain avait été violée par Israël, puisque l'Argentine ne s'est pas trompée sur qui avait opéré cet enlèvement. If you look at it today, I always ask not many of them are alive yet. Avec le recul, bon, ils sont peu nombreux à être encore en vie aujourd'hui, mais j'ai eu l'occasion de poser la question à plusieurs anciens agents du Mossad. Qu'y avait-il de si extraordinaire à cette action ? Un homme d'âge mûr rentre chez lui, comme tous les jours. Il ne se doute de rien. Il n'est pas armé. Où est l'exploit ? Bon, ils l'ont enlevé en pleine rue et l'ont emmené en Israël. Mais vous avez été formé pour ça. C'est votre métier. Alors la belle affaire, pourquoi en faire tout un ? Et c'est encore considéré comme un fait d'armes. Si vous regardez le site internet du Mossad, croyez-le ou non, ça existe. Et aussi les services secrets israéliens. Le Shin Bet. You look at these stories and you wonder. Vous découvrez toutes ces histoires magnifiées. One thing was, et vous vous demandez. To get him out of Argentina. Bon, il fallait le faire sortir d'Argentine. Ça a dû être un peu délicat. For the duration et of the le time, séquestrer pendant un certain temps. Ça a duré quelques jours. That's what the Mossad exists for. Mais c'est pour ça que le Mossad existe, non ? Donc le mythe est vraiment surdimensionné. Au fil du temps, il y a eu plusieurs versions. Un ex-agent du Mossad a raconté comment ça s'était passé, un autre a dit non, ça s'est passé comme ça, un autre a encore affirmé c'est moi qui l'ai fait, un autre non, c'était moi. Et donc, naturellement, comme c'est très souvent le cas avec les mythologies nationales, notamment les récits héroïques, c'est devenu... je crois que le mythe est bien plus grand que la réalité. Quant au côté opérationnel de l'histoire, il ne m'a jamais vraiment impressionné. L'avion bondit en avant dans un rugissement assourdissant. Il glissa sur la piste et quelques secondes plus tard, il s'élevait sans effort dans le ciel. Bientôt, nous laissions derrière nous les lumières de l'aéroport et les frontières de la souveraineté argentine. Alors seulement, je me détendis. Il était 5:00 et nous étions le 21 mai 1960. À demain, pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.